Sainte Bible selon saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 4. Répondant, Moïse dit, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, non, le Seigneur ne t'a pas apparu. Le Seigneur lui dit donc, qu'est-ce que tu tiens en ta main? Il répondit, une verge. Le Seigneur ajouta, jette-la à terre. Il la jeta, et elle fut changée en serpent. De sorte que Moïse s'enfuyait. Mais le Seigneur dit, étends ta main et prends sa queue. Il l'étendit, saisit la queue, et elle fut changée en verge. C'est afin qu'ils croient, ajouta-t-il, que t'a apparu le Seigneur Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le Seigneur lui dit de nouveau, mets ta main dans ton sein. Quand il l'eut mise dans son sein, il la retira, lépreuse et blanche comme la neige. Remets ta main dans ton sein, ajouta le Seigneur. Il la remit, et il la retira une seconde fois, et elle était semblable au reste de sa chair. S'ils ne te croient point, reprit le Seigneur, et s'ils n'entendent point le langage du premier signe, ils croiront à la parole du signe suivant. Que s'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, prends de l'eau du fleuve et répands-la sur la terre, et tout ce que tu auras puisé au fleuve sera changé en sang. Moïse dit, je vous en conjure, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Depuis hier et avant-hier, et même depuis que vous avez parlé à votre serviteur, j'ai la langue plus embarrassée et plus lente. Le Seigneur lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui a formé le muet et le sourd, le voyant et l'aveugle, n'est-ce pas moi? Va donc, et moi je serai en ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu dois dire. Mais lui, je vous conjure, Seigneur, dit-il, envoyez celui que vous devez envoyer. Le Seigneur, irrité contre Moïse, dit, je sais qu'Aaron, ton frère, le Lévite, parle avec facilité. Voilà qu'il sort lui-même au-devant de toi. Et te voyant, il se réjouira en son cœur. Parle-lui et mets mes paroles en sa bouche. Et moi je serai en ta bouche et en sa bouche, et je vous montrerai ce que vous devez faire. Lui parlera pour toi au peuple et sera ta bouche, et toi tu le guideras dans les choses qui regardent Dieu. Prends aussi en ta main cette verge avec laquelle tu dois faire les signes. Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père. Et lui dit, je m'en irai, et je retournerai vers mes frères en Égypte, pour que je voie s'ils vivent encore. Jéthro lui dit, va en paix. Ainsi le Seigneur dit à Moïse, à Madian, va et retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui cherchaient ton âme. Moïse prit donc sa femme et ses fils, les mit sur l'âne, et retourna en Égypte, portant la verge de Dieu en sa main. Et le Seigneur lui dit, pendant qu'il retournait en Égypte, « Aie soin de faire devant Pharaon tous les prodiges que j'ai mis en ta main. Moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Et tu lui diras, voici ce que dit le Seigneur. Mon fils premier-né est Israël. Je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Et tu n'as pas voulu le laisser. Voilà que moi je tuerai ton fils premier-né. » Or, comme Moïse était en chemin, le Seigneur se présenta à lui à l'hôtellerie, et il voulait le faire mourir. Séphora prit aussitôt une pierre très aiguë, et circoncit son fils. Puis elle toucha ses pieds et dit, « Tu mets un époux de sang. » Et il le laissa, après qu'elle eût dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » Cependant, le Seigneur dit à Aaron, « Va à la rencontre de Moïse dans le désert. » Et il alla au-devant de lui à la montagne de Dieu, et il l'embrassa. Et Moïse raconta à Aaron toutes les paroles par lesquelles le Seigneur l'avait envoyé, et les miracles qu'il avait commandés. Ils vinrent donc ensemble, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Et Aaron raconta toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse, et il fit les miracles devant le peuple. Et le peuple crut. C'est ainsi qu'ils apprirent que le Seigneur avait visité les enfants d'Israël, et qu'il avait regardé leur affliction, et inclinés, ils adorèrent.